On va parler avec notre ami Claude Perron, c'est le UFC 231. Je pensais que c'était le UFC 232, mais c'est le UFC 231. On en parle avec notre ami Claude Perron. Salut Claude. Salut Danny. Claude, oui, effectivement, le 231 demain. Il y a deux combats de championnat du monde, un chez les filles, un chez les gars. Il y a Olivier Aubin-Mercier qui se bat également en sous-carte. On va y aller donc avec. C'est une des très très bonnes cartes de l'année. Oui, c'est une belle petite carte, surtout qu'il y a deux combats de championnat, comme tu disais. C'est une carte qui est à Toronto. Là. Ils viennent quand même pas souvent au Canada. Fait qu'on a une couple de nos gars qu'on connaît bien là, qui sont là. Aubin Mercier, puis Chad Laprise. Puis une couple d'autres aussi moins connus. Puis ça va, oui, c'est une belle carte, surtout les deux derniers combats, ça va bon. OK. Donc, on va y aller avec Olivier Aubin-Mercier. J'écoutais un podcast cette semaine avec Pat Côté, puis il disait que c'est un combat extrêmement important pour Olivier Aubin-Mercier. Ben là, Olivier, il a prouvé ça longtemps qu'il fait partie de l'élite. Par contre, là, pour rester dans l'UFC, c'est progressant. Puis là, Olivier, ben là, il gagne, il perd. Puis son contrat, je pense qu'il achève. Ça fait que s'il gagne pas ce soir, j'ai l'impression que ça... Olivier va falloir combattre ailleurs pour un certain temps que dans l'UFC. OK. Peut-être dans une... Eh bien, est-ce que c'est prenable contre... Lui, il affronte Gilbert Burns. Est-ce que c'est prenable? Oui. C'est un combat qui est à sa portée. Aucun problème. Là. Son adversaire est très bon aussi. C'est un Brésilien, bien sûr. Il y a beaucoup de victoires. Autant de victoires, en fait, presque par soumission que par KO et KO. Donc, c'est un gars qui est complet. Ça va être une belle guerre. Si Olivier est capable d'imposer son rythme, là, pis son style, il devrait être capable de l'apporter, mais écoute, c'est un gros combat quand même pour lui, puis ça sera pas facile, puis tu vois, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. OK. Dans les autres combats, il y a Valentina Shevchenko qui affronte Yona Yulzik. Ça, c'est un combat de filles, un combat de poids mouche chez les filles. Oui, ben écoute, pour couronner la nouvelle championne des 125 livres, la nouvelle catégorie, si on veut. Johanna, qu'on connaissait, qui a été championne très dominante à 115 livres jusqu'à temps qu'elle combatte contre Rose, qui a réussi à la vaincre deux fois de façon décisive. Donc, Johanna a décidé de monter chez les 125. Shevchenko, qui est très, très, très bonne aussi, qui s'est battue aussi à 115, si je m'abuse, mais c'est un peu bon pour elle. Là. C'est des filles qui sont plus faites pour le 125 livres. Puis ça va être une bonne guerre parce que c'est deux filles qui aiment ça en frappe debout. Valentina, elle vient du kickboxing, Muay Thai, donc... Puis Yona aussi, ils se sont déjà battus ensemble, d'ailleurs, si je me rappelle bien, en même temps. Ça va être tout le combat, 125 livres, parce que les deux filles sont plus à l'aise. OK. Et Max Holloway qui affronte Brian Ortega. Oui, ben là, c'est une très, très belle finale. On sait que Max Holloway est le champion des 155 livres. Il a battu tout ce qu'il y avait à battre, écoute. Il manquerait juste un combat avec Connor, mais Connor s'est fait battre entre-temps. Fait que il a établi sa domination. Puis là, ben, il affronte quand même le deuxième meilleur. Tu vois, vraiment un top 2, top 3 là, à 155 livres, Brian Ortega qui est jeune. C'est un gars qui vient du jiu-jitsu, puis il s'en cache pas. Il a un beau jiu-jitsu pour le MMA. Il est le fun à voir aller. Moi, je l'aime beaucoup. Max Holloway est peut-être un petit peu plus complet et très bon au sol aussi. Mais peut-être un meilleur stand-up, un meilleur debout qu'Ortega. Alors j'ai l'impression que ça va être. On va voir qui va pouvoir dicter où le combat va aller. Puis c'est lui qui va dicter ça qui devrait l'emporter. Puis ça va nous donner un super bon combat. Et il y a un TKO ce soir? Oui, ce soir un TKO. On a quelques bons combats, la finale. Là, c'est tous des gars qu'on connaît, ceux qui ont combattu au Québec, qui ont fait les rangs amateurs puis d'autres qui sont rendus professionnels. Le petit Jourdain contre. je me rappelle plus de son nom. c'est pas important. Ça va être un super bon combat. Ces deux-là se sont agressés un petit peu là, par à travers les médias sociaux et ces choses-là. Donc, c'est une bonne gueule. TKO sont même rendus qui font des genres de previews aussi un peu à la UFC. On a vu les deux gars en entrevue ensemble. On les a vus aussi un petit preview vidéo là, sur leur entraînement. Ça durait 20-25 minutes sur YouTube. C'était intéressant. Donc ça va être un bon combat, une de plusieurs autres aussi. TKO, on voit qu'il s'internationalise et il y a beaucoup de combattants de l'extérieur qui sont là aussi, pas juste des Québécois et des Canadiens. Okay. Donc ça va être une cap. Ok, dis-moi, est-ce que Oui, c'est c'est mon TKO, ceux-là qu'on voit, est-ce que c'est des prospects pour le UFC éventuellement? Parce qu'au BMFC, ça a commencé sûrement là. Bien sûr, parce que Barrio, qui était champion de TKO, il a signé pour le UFC, ça fait une semaine ou deux. Ouais. Georges Champion vient de TKO, Boulet, tous ces gars-là viennent de TKO. Il y a un bout de temps que bon, que ça repartit sur une autre organisation. Maintenant, ça s'appelait Instinct MMA ou en tout cas d'autres choses Ouais. comme ça. Ils sont revenus avec le nom TKO. Puis c'est quand même le nom qui les a fait connaître et qui est le plus connu à travers le monde, parce que TKO, quand ils ont été dans les grosses années, c'était le début du MMA. Donc, ils ont fait des gros shows, là. Puis, c'est une organisation qui est quand t'es champion de TKO, c'est une des plus grosses, sinon la plus grosse organisation au Canada. Puis, quand t'es champion de TKO, ben, ça veut dire que tu cognes à la porte du UFC, c'est sûr. OK. Ben, on s'en parle au prochain UFC 232 ou durant le temps des fêtes, parce que c'est la revue de l'année. Oui, parfait. Notre ami Claude Perron du Fighting Fight Club de Chicoutimi.